Cinq filets policiers à la goutte d'or, des émeutiers étaient barricadés depuis hier autour de quelques rues. On peut dire que la commune de Barbès est morte ce matin. À quelques heures du réveillon, un geste de la SNCF, après trois jours sans train, vous aurez peut-être une chance de manger la dinde de Noël avec vos grands-parents de Saint-Jean-du-Trou ce soir. Et puis une opinion publique très partagée. D'après un sondage du Parisien, 65% des habitants verraient bien l'armée dans la rue, mais 51% pensent que Jean-Pierre Raffarin est... Scène d'émeute ce matin à Gare du Nord à Paris. Plusieurs centaines de personnes venant apparemment du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement sont venues aux mains avec des usagers exaspérés par les heures d'attente dans la gare à la veille de Noël. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées alors que la police peine à rétablir le calme. Je vous rappelle que ce matin, un coup de filet de la police dans le quartier de la Goutte d'Or justement a permis l'arrestation. Salle pleine. Des groupes de casseurs ont mis à sac les rez-de-chaussée des Galeries Lafayette et du Printemps ce matin. Dans la panique générale, on a vu des clients repartir avec leur panier Lafayette Gourmet sous le manteau. Pendant ce temps, l'association des commerçants parisiens déposait une gerbe de fleurs devant l'entrée principale du BHV avant de manifester contre le terrorisme et la violence jusqu'à la Concorde. Je vous rappelle que les blessés de la Gare du Nord sont toujours en observation à l'hôpital Lariboisière. Un numéro vert mis en place par la préfecture est disponible sur notre site. Vous orientera vers des psychologues et vers des agents des renseignements. Tantique par exemple. On vient de l'apprendre, une bombe artisanale vient d'exploser près d'une porte de la prison de la Santé à Paris, sans pour autant faire de dégâts. Un incident qui intervient alors que la tension est vive depuis ce matin dans la capitale. Le calme est revenu sur les grands boulevards où les grands magasins, Galeries Lafayette et Printemps ont été pillés par des vandales dans la matinée. Depuis, c'est dans le sud de la capitale que la situation est difficile. Des animaux sont parvenus à s'échapper du jardin des plantes dans le 5e arrondissement après que leur cage ait été ouverte. Des animaux qui ont provoqué plusieurs accidents. La grande époque. C'est un Noël de la fraternité qu'a souhaité Jacques Chirac aux Français il y a quelques minutes. Une nativité recueillie et familiale, a-t-il précisé. Un message de paix, alors que ce soir, le plan épervier bleu passe dans le rouge. Des renforts de gendarmes mobiles ont été déployés. Michel Lafon.